c'est aussi bien balancé que mon émission. Là, vous vous demandez de quoi je parle. Suis-je en train de placer le 12 février sur la sellette, public en délire, en ce lundi? Où, dites-vous, d'un air hébété, que veut-il dire, cet énergumène, celui qui prend le micro pour faire une émission tout à fait désordonnée et qui nous donne de la chair à manger, de la fièvre chaude, de la fièvre, qui nous donne des rondelles à manger, des bretelles à casser, des dents à péter, des soupes mammulaires. M'en va y réfléchir. 12 février. Monte le volet. Monte. Mais non, s'il faut attendre. Faut attendre que le... Oh, monte. Vas-y. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le lundi 12 février 2018, monte le volume et hume la différence. C'est parti. Ah oui, ah ouais, c'est parti, mon kéké! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Allô? Oui? OK. Non, mais je savais pas quel son allait sortir de ce petit magnéto maison. Maison? Météo maison? La météo... OK. Je sais que c'est pas nouveau. Ben, c'est pas nouveau. Ça a été enregistré en 2017. Je me suis procuré l'album aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, hier. Parce qu'aujourd'hui, les magasins sont fermés, là! Ben oui, c'est lundi! Pas parce que c'est lundi que les magasins sont fermés, mais c'est lundi... La première minute, les trois premières minutes du lundi, donc les magasins sont fermés! Hier, je me suis procuré un album. Je me suis fait plaisir. Ça m'arrive de me faire plaisir. Je me fais souvent plaisir, mais sans rien acheter. Tu sais, quand tu te fais plaisir. Et ce soir, je vais vous faire partager deux chansons, en fait, qui sont collées serrées là, sur l'album. J'espère qu'il n'y aura pas un arrêt entre les applaudissements. Donc, pourquoi pas? Allons-y. Nous allons en parler après. C'est la première fois que je l'entends. Je ne l'ai même pas écouté pour être aussi frais que vous, cher public. Peut-être que ça va applaudir parce que c'est en spectacle. Je me fais plaisir. On y va. Un beau jour, ou peut-être une nuit, d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tout douillet près de moi, dans un bruissement d'ailes comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dis l'oiseau, oh dis, emmène-moi. Retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes prit son vol pour regagner le ciel. Et venant de nulle part, surgit un aigle noir, un beau jour. Près d'un lac, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle noir, un aigle noir. Un beau jour, près d'un lac. Attendez là, avant de diffuser l'autre chanson, je croyais que c'était un album en spectacle. Mais non. Mais non. Je suis un tantinet déçu pour ça. On écoute Nantes et je vous reviens. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Chagrin. Allez, je rentre. Un matin comme celui-là, il y a bien longtemps déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venu. Il aura fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous 25. rue de la Grange aux Loups. Faites vite. Il a demandé à vous voir. Il n'y a peu d'espoir. Ah oui. Il a demandé à vous voir. Alors de sa dernière heure, après bien des années d'errance. Bon ben là, attends un peu. Comme c'est pas ça, on va refaire le générique et okay, puis on va recommencer. On va. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Émance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le 12 février 2018, monte le volume et hume la différence, c'est parti mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! C'est pas possible. À chaque fois que tu entres en onde, l'ami, tu dois puncher. Puncher. Uppercut. Au corps. Droite, gauche. Uppercut. À terre. K.O. Tu dois surprendre ton auditoire comme un boxeur. En boxeur. C'est pour ça qu'on appelle des boxeurs, monsieur. C'est pas parce que ça ressemble à une robe de soirée, là. C'est possible. Ben oui, c'est possible. C'est tout simplement la même chose, mais dans un autre lieu. Je m'explique. Lorsque vous mettez vos boxeurs, vous n'êtes pas sur un ring. En tout cas, normalement, non, là. Sauf si vous avez... Attendez, là, le micro commence à me déjeuner. Je crois qu'on terminera pas l'émission. OK. Terminer l'émission sans micro à la radio, ça serait merveilleux. Mais impossible. Quoique tu peux faire jouer de la musique, mais vous n'entendriez pas ma belle voix avec mes beaux commentaires intelligents et mes propos qui sortent de l'ordinaire. Bon... Il se prend pas pour de la merde, le mec, là. Il se prend pas pour de la merde, là. Mais c'est... Y aurait-il possibilité de... Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Oh oui, c'est ça! Boxeur, quand vous mettez vos boxeurs, monsieur, c'est pas parce que vous allez sur un ring. C'est pas parce que vous êtes sur un ring. C'est parce que les boxeurs... Ce genre de pantalon court, très ample, le mien actuellement, pour laisser aller tout le corps et tous les bijoux qui ornent la masculinité, toute la maxi, non, sans la couche, maxi sans couche, et histoire de se sentir à l'aise. Ça, tu l'air à l'aise, un boxeur, sur un ring, ici? T'as-tu déjà vu un boxeur qui... Oui. Oui, moi aussi, j'ai déjà vu un boxeur figé, là, avant le... Quand tu vois arriver son adversaire. Tu sais, son entraîneur, il a pas dit, là, qu'il allait se faire tuer, puis que c'était le moment, là, prépare-toi. Non, il voulait pas. C'est un peu comme son anniversaire. Surprise! Ah, c'est lui! Je vais pas combattre un jambon semblable. C'est un sumo! Hey, on... normalement, c'est quoi l'histoire de la boxe? C'est que tu prends un adversaire qui est à peu près le même poids, même grandeur, tu sais. Hey! Je pèse 165 livres. Lui, il pèse 350 livres. Sa main, c'est la grandeur de mon corps au total. Il va juste m'en donner une à la bonne place, même n'importe où, puis je vais tomber, puis même pas tomber. Je vais m'en aller je sais pas où. Il va me catapéter, voyons, c'est cinglé. Qui est l'organisateur? Est-ce que c'est juste pour rire? Hey, moi, je monte pas. Non, c'est bien beau, un demi-million de dollars, là, mais si je me réveille pas, le demi-million de dollars, je veux pas que ce soit partagé par les gens qui m'aimaient, hein, entre guillemets, puis qui me disaient, ah, c'était un bon garçon. Mais non, je veux en profiter de mon argent, moi. C'est moi qui me suis fait casser la gueule. C'est moi qui veux profiter un peu des sous. Puis ça sera pas en chirurgie plastique parce que je m'en balance. Moi, c'est la culture personnelle qui m'intéresse. C'est un boxeur qui m'intéresse. Oui, culture personnelle. Regardez tous les films de Gérard Depardieu que je n'ai pas encore pu visionner. Entendre le nouvel album de Gérard Depardieu qui rend hommage à Barbara. L'avez-vous déjà entendu? Aimeriez-vous ça l'entendre? Ouais. Oui, mais j'aimerais ouvrir cette émission comme on le fait avec une porte, avec une mélopée, histoire de se décontracter le tympan et se laisser émaner par toute la sonorité qui suivra à partir de maintenant. Camarade, viens toi mon camarade. Oh. Regarde là ma ville. Oh ouais. Elle s'appelle Bidonville. Bidonville. Vivre là-dedans, c'est coton. Passablement, ouais. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres, l'herbe pousse. Pour y dormir, faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon, c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade. Donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Et les femmes aussi. Donne-moi ta main, camarade. J'ai 5 doigts, moi aussi. On peut se croire égaux. Oh oui, égaux. Regarde là ma ville. Elle s'appelle Bidon. Bidonville. Me tailler d'ici, à c'est, quoi bon? C'est coton aussi. Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions. Je reverrai toujours, toujours bidon. Oh, bidon. Donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. H majuscule. Donne-moi ta main, camarade. J'ai 5 doigts, moi aussi. On peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade. Je te dis au revoir. À bientôt. Je te dis à bientôt. Bientôt, bientôt, on pourra se parler, camarade. Bientôt, bientôt, on pourra s'embrasser, camarade. Bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarade. Bientôt, je t'attends, camarade. Nougaro avait signé avec une maison de disques, Barclay, et on l'a débarqué de Barclay. Il a fait cavalier seul, pas vraiment cavalier seul, il y a une autre maison de disques qui l'a pris sous son aile, mais avant tout, il est parti à New York pour se ressourcer puisqu'il avait perdu vraiment beaucoup de... Même pas de confiance en lui, mais il avait perdu sans doute quelque chose d'une maison de disques qui croyait en lui. Et un jour, on appelle ça la société bâtarde. Il s'est tourné sur un dissent, comme on dit, comme je dis, parce qu'on le dit, mais moi je le dis aussi. S'en va à New York, connaît personne à New York, rencontre des musiciens, écrit des choses et sort un titre. Pour les puristes qui aimaient Nougaro Jazz, ils l'ont retrouvé électro-funk. Écoutez les paroles, ça vaut la peine. C'est vraiment un gars gonflé à bloc. Je m'arrête pour mieux vous le faire entendre. Ça démarre sur les starting blocks. Gare, gare, gare, là c'est du mastoc. Cette fois du ronsard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc. J'aurai le gros cigare. En or, les panchocs. Faut rentrer dardard dans la ligne de coq. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars, ici nous York. Ici superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfant de l'art, c'est le falacoc. Au détour d'un bloc et son cri égale me découpe l'âme façon jambon d'Urc. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et surtout Il a le sens de la répartie, il a le sens du rythme, il a le sens de l'écriture, il a la tournure idéale pour créer, comme je le disais, des uppercuts tout à l'heure. Et tu dis tout à l'heure des uppercuts? Et tu parlais d'uppercuts? Madame, oui, il a parlé d'uppercuts, oui. Mais il me semble avoir entendu un petit soufflet. Il s'est soufflé un soufflet. Non, je te dirai pas. Ben, je serais capable de vous dire combien je serais capable de dire ça. Vous voulez que je vous le dise pour vous surprendre, espèce de petit garnement? Et garnement, la menthe, c'est bon la menthe. Moins bonne la menthe religieuse, hein? C'est une bébite ça, la menthe religieuse. Une maudite grosse bébite dégueulasse qui mange son partenaire pendant le coït. Savez-vous, c'est pas une blague, c'est vrai. Pas trop de connaissances, moi, dans le système animalier, moi, à part l'humain. Comme disait Nounouga, Oh, nous sommes en liaison avec un non. Est-ce vrai? Non. Oh! Écoutons ce qu'il a... Attendez. Oui? Écoutons. Ça, c'est du gargarisme. On va vérifier, voir. Oui? Oui? Oui. Oui, c'est un peu chaotique, effectivement. Mais c'est rare que ça ne l'est pas. Mais avec Claude Nougaro, ça nous a étiré un peu le sens de l'excitation. Hein? Pardon? De l'excitation? Bon, ben voyons donc. On n'est pas excité, on est juste attentif à ce qui se passe, puis à ce qui se passe pas. Mieux vaut être... c'est vrai, soyez attentif à ce qui se passe pas. Restez assis. Non, la chaise berçante est un peu trop extravagante. Là. Une chaise droite. Oui, puis pas de rembourrage là, pour, non pas souffrir, là, mais être alerte, là, à l'écoute. Et puis ensuite, là, essayez de trouver ce qui ne se passe pas. Essayez de capter ce qui ne se passe pas. Ça peut être long. Ça peut être long parce que vous allez bien sentir qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive. Aussi, il y a quelque chose qui arrive, c'est de l'imprévu. Par exemple, 2h du matin, tu es assis sur ta chaise, droite, pas de coussin, rien. Hein? Tu attends. Tu es en mode attente. Nous avons plusieurs modes. On ne choisit pas. Souvent, on ne choisit pas, mais mieux vaut s'en rendre compte à un moment donné. Donc, on est en mode réception. Assis, prêt à recevoir. À recevoir rien. Donc, on n'est pas en attente. On est comme prêt à... Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends ce que je veux dire, moi, là? Oui! C'est comme un micro. T'ouvres ton micro. C'est bien beau l'ouvrir, mais s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de bruit, si tu ne veux pas parler, le micro risque d'être libéré de toute sonorité. Comme là. Comme la seconde qui vient d'arriver, là. C'était-tu assez absent, ça, là? Je dis souvent qu'il y a du monde, là. Du monde. Des gens. Certains disent des gens, c'est des gens qui sont absents dans le présent. Absents dans le présent. Qui sont là, physiquement, mais ça ne reste que physique. Il y en a beaucoup. On prend un homme et on en connaît. Ah, je voulais dire sauf, mais ça a coupé. Sauf dans notre cours. Il n'y en a pas dans notre cours, voyons donc, toi. Jeannette, as-tu déjà vu quelqu'un qui est absent dans le présent chez nous, dans notre entourage? Hey, on est bien trop allumés, nous. On est juste là devant le bois de chauffage, on met rien pour l'allumer, on est tellement électrisé que ça prend en feu, man. Johnny Hallyday, là, c'est ça. Il peut pas parler, là. Mais il peut pas en parler, il peut pas en parler. Mais il y en a du monde de même, là, électrisant. Pas besoin de courant, ils sont là. Sont là dans là, sont là. Plus là que là, ça se peut pas. Ils sont pas à côté, ils sont pas à gauche, à droite, en haut. Ils sont là, devant toi, c'est des monuments. Tu parlais de Gérard Depardieu, c'est un monument, il est là. Il est pas à côté, il est pas en... Non, il te fait réagir, bang, bang, bang. T'es dans la vie. Même si tu dis des choses qui te dépassent ou qui sont pas... C'est là. Ouais. OK. Sinon, les enfants... Ah, le petit dernier va pas très bien, hein? Ben non, il a pas reçu... Ouais, c'est parce que je lui ai acheté un crayon de plomb. HB305. C'est quoi, HB305, les petits crayons de plomb, là? Parce que le professeur m'avait dit que j'avais pas. Je lui avais pas procuré le bon crayon. Je dis, ça écrit quand même ce crayon-là. Il dit, ouais, mais non, nous autres, c'est du HP, puis vous avez pris. Puis là, il faut prendre une marque précise, je la dirais pas, là, mais une marque précise de crayon. J'ai dit, avez-vous acheté l'entreprise, puis vous voulez faire de l'argent sur notre propre dos? Un crayon plomb, c'est un crayon de plomb. Qu'il soit étampé d'une autre compagnie, ça écrit. Ah ouais, mais écoutez, moi j'ai des problèmes de vision. Achetez-vous des lunettes, on en a acheté, j'y rajoute, moi. J'y rajoute sur mes autres lunettes, parce que des cataractes, les enfants, ça parle, hein? Ça me bouche les cataractes quand ça parle. Plus ça parle, plus ça me bouche. Pas les oreilles, moi, ça tombe, c'est cataractes. Moi, je suis sûr qu'en Chine, monsieur, là, vous me critiquez parce que vous créez même pour mes crayons, mais moi, quand je suis sûr, là, que toute la sensibilité est arrivée dans mes yeux. Pas dans mes oreilles, pas ailleurs, dans mes yeux. Quand on me parle, on dirait que c'est mes yeux qui comprennent. Je titille des yeux, tu sais, j'ai un tintinabule, là, je clignote, je clignote des yeux. On dirait que je comprends tout, là. Je lis sur les lèvres, d'en haut, d'en bas, du côté, je lis ses oreilles, moi-même. Mais imaginez-vous de lire ses oreilles. Êtes-vous capable de lire ses oreilles, vous? Moi qui étais médecin à l'époque... Je ne suis plus d'époque, donc j'ai pris ma retraite. Je pouvais savoir si un patient souffrait, n'est-ce pas, de... Comment t'appelles ça, le sang, là? Le sang, le draculalisme? Le diabète. J'ai un blanc, ça m'arrive. C'est pour ça que j'ai pris ma retraite. J'ai des blancs. Je continue. Je m'arrête pas, non? Et puis, donc, je pouvais savoir si le patient souffrait de diabète. Juste en regardant le creux de ses oreilles. Si je voyais de la cassonade, c'est un signe. Diabète de type A, B, C, D. Ça n'existe pas, c'est soit A ou B. Moi, bon, c'est A, B, C, D. Là. C'est A, B, C, D, sinon tu décèdes. A, B, C, D, décédé. Arrête de manger du sucré, sinon... Ben oui, mais si je mange une pomme... C'est du sucré! Ben oui, mais si je mange une banane... C'est du sucré! Si je mange du sucré, ben... C'est du sucré! Oui, mais si je mange une tomate... C'est sucré une tomate! Ben oui, mais qu'est-ce que je mange? De l'eau! Tu manges de l'eau jusqu'à la fin de ta vie, tu manges de l'eau, infusion à l'eau, l'eau, mais pas de sucré! Pas l'eau sucrée, là, l'eau, j'allais dire des égouts, l'eau du robinet. Oh, est-ce que c'est un... Hein, vous vouliez dire l'eau du robinet, mais vous aviez dit, hein, c'est peut-être une association. Non. Dites-moi des... Dites pas des affaires que j'ai pas dit, là. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know I won't be spied. Where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall, where there's a nightly brawl in all. That jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear the father dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, huh, we're gonna party. Bought some aspirin down at United Drug. In case you shake your heart and want a brand new start to do that jazz. We're playing fast and loose. And all that jazz right up here is where I store the juice. And all that jazz, come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet your lucky Lindy never flew so high. Cause in the stratosphere I could lend an ear to all that. Jazz. To all that jazz. Pardon? Oui, vous me t'inspirez? Merci. Qui, Réal? Tu danses bien, Réal? Mais Réal, oui, c'est Rénal. Je danse bien, je danse dans ma tête, là, mais en réalité, ça peut danser mieux que ça. Ah ouais. Arrête d'enchaîner chanson sur chanson, déchaîne-toi, ben c'est ça qu'on fait. On se déchaîne. Comment ça va, vous autres? Puis, après, mois de février, là, hein, ça sent... Ça sent la courte, le mois le plus court. Ah, c'est vrai, t'as bien raison. C'est à quoi, ça a deux jours? Le mois de février, c'est à deux jours. Tu te couches, tu dors, tu te réveilles, c'est fini. On est déjà rendu au mois de mars. Oh, c'est merveilleux. Ça va vite, ça va vite. Les pays sont-tu semblables? Non. Comment t'appelles ça? Non, les comptes. Les comptes à recevoir. Oh, ben, je reçois aucun compte, moi. Ah non, ah non, ah non. Moi, les vicomtes, tout ce monde-là, moi, la hiérarchie, les comtesses, un peu plus les comtesses. Je ne conteste aucune comtesse, moi, au contraire. Je les accueille, on discute. Normalement, ça ne parle pas français, ce monde-là. Il y a la traductrice. Je m'intéresse plus à ta... Parce que la traductrice, là, c'est quelqu'un qui essaye de rendre le discours de l'autre le moins distorsionné, le plus exact. De là l'intérêt. Là, dépendant de la personne que tu traduis, par exemple, c'est un artiste, un comédien. On va dire, comment on l'appelle? Non, pas Sean Penn, mais on n'est pas loin. Il a joué dans Pulp Fiction. Il a joué dans bien des films plus underground. C'est pas John Travolta, madame. Non, c'est... Monsieur, je le vois. Il a joué dans Reservoir Dog. Il faudrait passer une pause musicale. Encore? Ben oui. Ah! Attends, je sais que vous savez, vous! What good is sitting alone in your room? Non, on va changer de style parce que si je veux chercher, je veux vous distraire un peu, là. Ah, voilà. Albin de la Simone. Et je vous reviens avec le nom, sans faute. Elle vivait dans la forêt, un cabanon. Comme elle disait, elle dormait quand elle voulait. Ne travaillait jamais. Paréo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux. Le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un bal d'aquin de tulle, une bougie, le clair de lune. Nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop. Thank you. Pardon, attendez là. Nous avons entendu Albin de la Simone, un album extraordinaire, son nouvel opus sorti l'année dernière. Hervé Quétro. Hervé Quétro. Comment? Hervé Quétro. Oui, Hervé Quétro. C'est Hervé Quétro. On voulait vous dire Hervé Quétro. Ça nous fait plaisir de vous redire Hervé Quétro. Pour la dernière fois, Hervé Quétro. Bon. Et puis sinon, oui, ce soir, nous avons la chance de recevoir une artiste extraordinaire, guitariste, musicienne, mais normalement, guitariste, c'est une musicienne. Donc, une guitariste, une musicienne. Là, tu as trouvé quand même le bon détour. On trouve tout le temps le bon détour. Puis, il y a un chanteur qui dit « On prend toujours le détour pour quelque part. » C'est pas vraiment le bon rythme, là. C'est pas vraiment les bonnes paroles. Mais on va te laisser la bonne continuité de cette belle pièce musicale. Un peu kitsch, un peu brûlée par les années, mais il reste que ça fait des ans, ça fait des petits-enfants peut-être ça. Beko a peut-être créé par sa musique, peut-être pas créé, mais a peut-être amené des gens à la copulation, puis ça a fait des enfants. Puis Gilbert Beko a peut-être plusieurs enfants qu'on devrait surnommer. Exemple, moi, je m'appelle Reynald Joseph, je sais pas quoi, Gagné. Mais Gagné, c'est sûr, là. Reynald Gagné, oui, mais Joseph Reynald Gagné. On devrait dire de tous les enfants qui ont été inspirés par Beko, tu sais, je sais pas, là, la dame a dit « Ah, moi, j'adore qui yabédé, yabédé, yabédé, le bal du printemps, qui yabédé, yabédé. » C'est du Beko, ça. « Qui yabédé, yabédé, yabédé, l'écho du printemps. » Moi, ça m'anime, moi, ça m'excite. Fait que là, elle voit son mari qui arrive, hein, à 3h du matin, à la fermeture du bar. Il est un peu barré, là, tu sais, il est débarré. Puis, elle arrive, là. Dans le corridor, du fond. La porte est en avant. Fait que, tu sais, il y a comme un 6 pieds. En mètres, je sais pas, 6, 12, 6 pieds, c'est 12 mètres. Il y a 12 mètres entre la femme et l'homme. L'homme essaie de trouver sa clé. Il trouve la clé, il rentre ça dans le trou de la serrure. Il se préparait. Il rentre ça dans le trou de la serrure, ouvre la porte, voit au fin fond de la pièce, près de la chambre à coucher. Yaboli, yaboli, yaboli, d'abondé. Il a dit, c'est ma femme, maman, non. Mon Dieu, je suis plus capable. Moi, j'ai rencontré ma maîtresse tout à l'heure au bar. Puis elle, yaboli, yaboli, yaboli, yaboli. Oh, mon Dieu. Là, elle court dans la pièce. Hein. Elle court dans l'allée. Elle court vers lui. Saute dessus, embarque dessus, puis qui yaboli. Il n'avait pas travaillé, c'est elle qui travaillait. Qui yaboli, yaboli, yaboli. Puis là, mon Dieu, tu sais, un gars qui se fait intercepter, il n'a pas le choix de s'abandonner. Puis il y a eu Nadine. La fille qui a volé un bon matin à 3h du matin, qu'elle était couchée, puis elle qui... C'est une histoire. Nadine, c'est elle, là. Puis non, elle est heureuse. Aujourd'hui, elle a 17 ans. Oui, c'est ça, elle a fait sa 17e année, mardi le 13. 13 février. Demain. Bravo, bonne fête, Nadine! Oui, c'est des bonnes femmes, Nadine. Elle m'écoute pas. Nadine, elle nous écoute pas. Bon, tant mieux. Y a-t-il une Nadine qui nous écoute? Si oui. Pas si oui, Nadine, si oui. Non. Si oui, je répète. On va mettre dans le contexte, là. S'il y a une Nadine qui nous écoute ce soir, écrivez-nous à Reynald Québec à commercial@hotmail.com. Je répète, Reynald Québec à commercial@hotmail.com. Comme ça, il n'y a pas de... Hein? Tu sais, tu dis que Nadine, si oui, mais lui, il a dit, mais non, moi, c'est pas si oui, c'est Graton. Nancy Graton, c'est pas Sylvie, comment qu'elle s'appelle? Si oui, gâton. Si oui, c'est moi. Puis non, je ne veux pas répondre. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Ah non, moi, je ne réponds à aucune des questions. Parce qu'on se met dans l'eau chaude, hein, dans ce milieu-là. Puis moi, l'eau chaude, pas trop ça. Ça brûle la peau, ça fait exactement, ça fait des petits boutons. Puis moi, j'aime bien ça avoir la peau lisse. Non, pas la peau lisse derrière moi, mais la peau lisse. L'épiderme lisse. On a compris. Non, mais la police, hein, quand tu dis police, ça peut faire police. Wow. Mais moi, c'est l'épiderme lisse. Oui, monsieur. Aujourd'hui, le lundi, bien sûr, la veille de la fête de madame. Mademoiselle. Mademoiselle, ben oui, mademoiselle. Oui, c'est une mademoiselle. Oui. Lundi 12 février 2018, l'errance rénadienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Lâchons la boussole. Lâche-la la boussole, mon Raymond. Lâche-la. Il n'y a plus de nord, il n'y a plus de sud, il n'y a plus d'est, il n'y a plus d'ouest. Plus d'ouest. Il n'y a plus rien. Il y a juste une petite aiguille, là, puis elle ne sait même plus où aller, puis elle est perdue. Ils ont enlevé le N. Le E, le O, puis le E, le U, le I, le U. C'est un peu nord. Nord, est, sud, est, c'est monsieur Doyen. Il n'y a plus de N. Il n'y a plus de S. Il n'y a plus de O. Il n'y a plus rien qui dirige la petite le petit cadran, la petite boussole, la petite trotteuse, là. Elle trotte plus. Elle cherche bien à trotter, mais elle veut juste se décroter le diapason pour trouver enfin le bon chemin. Puis elle s'est dit, ah, aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé ma voix, effectivement. Parce qu'on trouve toujours notre voix avec Emmanuel Monnet. Mais là, comme je ne vais pas vous l'annoncer là, non, tu ne l'as pas annoncé. On n'a rien entendu. On a entendu Emmanuel, mais là, après ça, oh, j'ai cru entendre Monnet, mais là, pas certain, tu sais. On peut laisser des points de suspension, on a le droit, puis des trois points, c'est déjà quelque chose, là, hein? C'est déjà quelque chose, là. On attend après, là. Si on se dit, bon, ben il va se développer d'autres mots, d'autres phrases, d'autres réflexions, d'autres idéologies. Oh! Vas-y, OK. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour, c'est là que ça arrive, Emmanuel Monnet, ben. C'est Manu. On l'écoute dès maintenant. Musique. Thank you.

je pose un pied sur terre de temps en temps. Quand j'ai de la peine, je pars avant. Toujours plus haut, toujours plus grand. Je sais que tu m'aimes, je pars avant. J'ai mis des gants de velours, jeté l'encre à mon tour, mais les mots ne viennent toujours pas. Oh, oh, oh. Quand tout est sombre, les radios? Mais écoute, on en... je peux pas te dire. Ok, mais c'est mon idée quand même, elle a déjà été... Ben, approcher les radios ou, faire... ou la faire nous, en fait. Tu vois le projet? Web? Ça demande... Pourquoi ça demande du temps? Radio web? Ben, radio web et... Ou une radio terrienne. Et plus si affinité. Oui. Radio terrienne. Ça, ça fait partie des choses, voilà. Radio libre. Une émission déjà. Voilà. Sur une radio qui existe peut-être. Proposer une émission qui incorporerait ça en plus d'autres choses, mais qui l'émission, oh, je peux pas dire, il va me tuer, Patrick. Ok, mais est-ce que je peux proposer juste deux choses? Tu peux dire oui ou non? Ouais. Okay. Tu veux ouvrir une radio ou tu veux te joindre à une radio comme Libertaire pour proposer ton... Ben, ça pourrait être ça dans un premier temps. Ouais. Et quoi ça? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Ok, ok. C'est un concept qu'on va, qu'on va continuer à développer. Okay. Tu me tiens au courant parce que ben oui. Ça m'anime énormément. Ben oui, carrément. Okay. Ben, je vois que ça m'anime énormément. Parce que c'est un gros manque à la radio, ce genre de choses-là. Ben oui. Quand tu ouvres la radio, c'est bien beau la musique, mais quand on te raconte une histoire avec une trame sonore, il y a quelque chose de... Il y a Guillaume Gaillen que je suis justement sur France Inter, qui fait des extraits. Mais ça, c'est pas la même chose. Ouais, mais ça, c'est pas la même chose. Mais j'adore comme il lit. Oui. C'est plus dans le... Dans mais le... ça existe depuis 4-5 ans et c'est très, très bon. Puis c'est même très thématique. Des fois, c'est Rimbaud, des fois, c'est... Mais faut pas qu'on nous pique l'idée, hein. Donc, non. Pas, j'aurais même pas dû en parler. Ben écoute, je te ferai un montage, mais non. On piquera pas l'idée. On peut pas faire... tu sais, au niveau musical, là, on a une facture, un style. Donc, vous êtes seul à pouvoir faire ça. Et si quelqu'un emprunte un autre chemin, disons qu'il fera. Si quelqu'un le fait, il fera moins bien. Ben oui, mais il va le faire à sa manière, donc ça sera pas pareil. Voilà. Non, mais il faut croire à sa singularité. Puis c'est pas parce qu'on pique une idée que c'est énorme, ce sera la même chose. C'est puis, ça. Puis piquer les idées, ben. C'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas gentil. C'est ça. Hey, j'ai 10 questions, puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener parce qu'il reste quelques minutes. Et on a combien de temps? Là, il reste 15 minutes. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que vous auriez des cacahuètes ou des choses? Merci. Si tu étais un liquide. Ben, un verre de Sancerre. Ah, ben oui. Oui, ben pourquoi pas, mais il est très non, bon, très frais. En fait, je suis plutôt rouge, moi. OK, moi aussi. Je suis plus la lande de Pomerol, voilà. Je serais un bon verre de la lande de Pomerol. De 86, c'était une bonne année. Oh, mais... OK, t'es quand même assez... Mais je assez crois possible. Que c'est peut-être vieux maintenant, ça. Vieux et cher? Parce que j'en bois plus beaucoup. Ou alors un verre pourquoi de champagne ça... rosé. Voilà. Ah oui? Merci, mais, monsieur. Mais comment ça, t'en bois moins? Ça coûte trop cher. Oh, non, bah oui, maintenant que j'ai plus de sous. Ah oui, ça coûte cher. Avant, j'avais toujours mon carton de 6. Ah oui, c'est triste. Mais ça reviendra, ne t'en fais pas. Si tu étais une ville... J'étais une ville, je serais une ville suisse. Je me sens bien en Suisse. Chaque fois que je vais en Suisse, je me dis j'ai dû... Quelle politesse, hein, les gens qui habitent là. C'est ça, et je me sens bien tout de suite. Dès que je passe la frontière, je me sens bien. C'est un, effet, c'est un effet bizarre. Hein. C'est Lausanne et Genève, ou les bords du lac, en fait. Et j'ai habité quelque temps. D'accord. Si tu veux, ben, je veux dire, non, je l'ai visité, quelqu'un a habité un mois et demi. Très... J'ai des amis très chers là-bas et c'est vrai que je me dis, j'ai dû dans une autre vie être suisse. Est-ce que tu crois à ça? Oui. OK. Ben, j'aime à y croire. OK, t'aimes y croire, mais c'est bien, hein? Il faut déjà croire à ses convictions, c'est déjà beaucoup. Si tu étais une langue? Ben, le japonais. Ah ben, je le savais, c'est quand même, si tu t'es écrit. Si tu étais une époque? Écoute, moi j'aime beaucoup la période des années 70. Je sais pas si tu connais les films de Claude Sauté. Ben oui, j'en parlais avec une jeune fille qui a joué dans deux films de Claude Sauté. Ah oui, c'est qui? Je savais que tu allais me le demander. Comment elle s'appelle? Ah, c'est mon amie. J'ai un blanc de mémoire, elle va me tuer. Ben oui, alors elle reste. Non, regarde, ça me revient. Adrienne. C'est une chanteuse? Ben oui, elle chanteuse comédienne. Polly, Adrienne Polly, merci. Voilà. Elle a joué dans des films de Claude Sauté. Deux films de Claude Sauté. Elle était jeune alors? Ben non, elle a 40 ans. Non, mais quand elle a joué dans les films de Claude Sauté? Elle avait une vingtaine d'années, 20, puis... Oh, la chanceuse. La chanceuse, comme vous dites, là. Très chanceuse, comme oui. Comme vous dites. Oui, comme on dit, oui. Moi, c'est très respectueux parce que j'adore l'accent. Oui. Ben oui, il n'y a pas de Et problème. Moi, quand je vais au Québec, je chope l'accent. Mais où que j'aille, en Suisse, je chope l'accent suisse, en Belgique, je parle. Et au Québec, j'adore l'accent encore. Ben merci. D'ailleurs, je suis très fan de Xavier Dolan depuis. Ah oui, ben tout le monde est fan de Xavier Dolan. Oui, fan depuis longtemps, moi. Hein, okay. Mais... Depuis le premier film. Un peu en retard par rapport à la sortie. Et t'as récupéré avec les DVD. Ben, c'est-à-dire que ses premiers films, c'était des clips, en fait. Là tu parles, OK, ouais, de son concept, avec Indochine aussi. Il a fait un clip avec Indochine. Mais non, mais je parlais de ses premiers films. Oui. Comme pour moi, c'est comme un long clip. La musique est très présente. J'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'il s'intéresse à ma musique, ça m'aiderait déjà au niveau des sous. On sait jamais. Mais c'est surtout que ça me plairait de voir son regard sur la musique, quoi. Tout est permis. Hein. Mais j'imagine que je suis plus fan des cinéastes québécois que des chanteuses québécoises. Ah oui, ouais, ben ça tombe bien, moi aussi. Ils ont plus de choses à dire. Mmh. Et puis c'est moins mielleux. Si tu étais une époque. Allô? 70. Oui. Si tu étais. Ah oui, pour revenir sur les films de Claude Sauté, ouais. J'adore parce que d'abord. Ah, c'est pas Claude Sauté, c'est Claude Lelouch. Ah, mais oui, ah, parce que Claude je me Lelouch, dis. Un peu, non, c'est. Parce que je me disais Sauté. Non, c'est le gars de la Nouvelle Vague, c'est Claude Chabrol. Ah oui, alors, c'est Sauté, pareil. Je sais, j'aime c'est bien un aussi. Cœur en hiver, c'est. Non, Claude Sauté, c'est un homme. Tout ce qui est Romy Schneider, là. Oui, c'est un cœur en hiver, c'est. Avec Michel Piccoli. Oui, T'as les choses de la vie, par exemple, c'est le plus connu. Oui. Moi, je suis très fan de Romy Schneider, hein. J'ai deux idoles, c'est Romy Schneider, trois même, Simone Signoret et Annie Girardot. Nelly. Je suis restée bloquée sur ces années-là, moi. Béard, comment il s'appelle, donc, Nelly et. Enfin, moi, je suis plutôt fan de Max et les Ferrailleurs. Ah oui, ça, c'est du vieux 70-80. Ouais. Et tu regardes les voitures, les rues, oui. les appartements, la déco des appartements, les fringues. Quelques jours avec moi, avec Sandrine Bonheur. Oui, tout à fait. C'est ce que je souhaitais peut-être. Oui. Mais moi, je te parle plutôt de la période des années 70. OK, oui. Où il y avait Romy Schneider pratiquement dans chaque film. Et puis tout l'environnement. Les mains ouvertes. Ils fument comme des pompiers dans les films de Claude Sauté. Ben, c'était à l'époque, on avait le droit. Et dans tous les polars aussi. Quand on regarde ça, c'est drôle, quoi. Depuis enfin, c'est drôle, ça fait drôle. Depuis qu'on a enlevé la cigarette à Luc et Luc, il y a l'air moins viril, moins intéressant. Oui, c'est vrai. Bon. Encore une autre connerie sociétale, hein. Il y en a tellement. Si tu étais un mot. Un mot? Tiens, j'ai oublié mon téléphone ou quoi? Oh, j'espère que non. Veux-tu que je t'appelle? Mais... Ah non, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ok. Excuse-moi. Non, prends ton temps, vas-y. C'est bon, on a 10 minutes encore. Ok. Si j'étais quoi? Tu m'as si dit. Si j'étais un mot. Un mot? Oh là là, ça va faire niaiseux, mais non. Bah, l'amour, quoi. Ça devrait régir le monde à la place de l'argent. Bah oui, comme ça. Moi, c'est ça qui me fait fonctionner, quoi. Oui, c'est vrai. L'amour dans tout, hein. L'amour dans Et c'est pour ça que je dis que je suis chanceuse, parce que j'ai beaucoup d'amour dans ma vie, même si j'ai pas d'argent. Mais l'argent, c'est sûr que c'est un beau pansement. Ouais, mais quand on voit comment ça gère le monde et les dégâts que ça fait, ça et la religion, on est mal barré, hein. Oui, plus d'amour, on sera peut-être plus. Oui, il y a Raymond Lévesque. Tous ensemble. Raymond Lévesque, quand les hommes ils vont d'amour. C'est ça. Mm. Et ça aurait pu être connexion aussi, parce que je trouve que. Pas la connexion Internet, hein, la connexion entre les gens. Oui, Internet. Moi, j'y crois beaucoup à ça. La chanson. Toi, par exemple, on se rencontre là, mais c'est comme si on se connaissait depuis déjà 10 ans. Mais à travers les chansons, mais à travers tes chansons, moi, je te connais plus davantage. Parce qu'on est connectés. Ben, on est connectés, oui. Trouble paysage où tout se déroule. Passent les nuages, pas une goutte de pluie. Je longe les traces à perte de vue. La gorge brûlante et les reflets perdus. À parcourir l'horizon encore, et mes yeux transpirent. Le soleil menace, le vent s'étue, les mirages passent, et la pluie ne tombe plus depuis. Je marcherai. Quand il rentre, elle sort. Finalement, il s'aime fort. C'est l'amour en personne. Ensemble, ils courent chaque semaine. Après le jour où la vie était belle. Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Garnier. Sometimes remember me. t'es bienveillant dans tes questions. Très bien. Donc, il y a de l'amour dedans. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la chanson qui a été choisie, la chanson francophone de tous les temps, « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque. J'avais pas que c'était Raymond Lévesque. Oui, Raymond Lévesque. Parce que moi, je la connais par qui? Moi, en France, c'est... Qui est toujours vivant. Bon, on l'a pas repris, hein. Si, ça a été repris, cette chanson-là. Hein? Quand les hommes vivront d'amour, ouais. Plus rapide, de misère. Et comment seront les maisons? On est bien près de Montmartre pour chanter ça. Ben oui, ben oui, ben partout, partout. En campagne, ça donne une autre... Quand les hommes vivront d'amour, c'est ça. Et non, je sais pas quel chanteur qui aurait pu reprendre ça. Mais en tous les cas, c'est d'actualité toujours. Ah oui, toujours. Ben, l'amour, c'est ça. C'est ce qui fait vivre. Excusez-moi pour les bruits de chips. Ben non, c'est beau, c'est musical. Tu étais une saison. Le printemps. Ah, oh, la Renaissance. Ouais. Heureusement qu'il y a le printemps, parce qu'au Québec, là, on tire la langue. Ouais. On souffle sur la neige pour la faire fondre. Oui, moi, quand j'y suis allée, par deux fois, j'y suis allée l'hiver et le printemps. Effectivement, j'ai préféré le printemps. Hein, chez c'est vous, beau le printemps. Hein, parce que l'hiver. Ah non, non, il faut s'attacher. C'est rude. Hein. Ben, on est habitués, nous, là, mais c'est ça qu'il y a pour. Non, mais en fait, c'est très égoïste le printemps. C'est surtout pour le climat. Parce que l'été, il fait trop chaud, l'hiver, il fait trop froid. Mais de, printemps, de c'est moins, parfait. Hein, de moins en moins, parce que. Bon, cette année, ça ment un peu, là. Vous avez eu, malheureusement, des bouffées de chaleur. Ouais. Mais l'année dernière, il n'y en a pas eu tant que ça. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien les 20 degrés du printemps. Ça me va très bien. On est bien, on est très bien. Ah, ouais. Si tu étais un membre corporel? Les mains. J'ai une fascination pour les mains. Pas les miennes, mais... Je suis tombée amoureuse de Patrick. À cause de ses mains? Est-ce qu'il sait? Entre autres. Oh. Mais au premier, oui, moi je regarde pas les fesses ni les yeux. C'est très important, hein, les fesses, les yeux, ouais. Tout ce que tu veux, mais les mains. Ouais. Okay. Les mains, ça parle beaucoup. Mais quelles sortent des mains de bûcheron, des grosses mains? Non, non, non, les mains fines. Pianistiques? Voilà, sensuelles, je sais pas. Il y a une sensualité dans les mains. Ben oui, ben oui. Et puis parce que c'est quand même la caresse, quoi. On peut passer des beaux moments. C'est les mains qui vont te toucher, donc autant qu'elles te plaisent. Oui. C'est horrible d'aimer quelqu'un, mais de ne pas aimer ses mains. C'est quand même... ça va avec... C'est difficile. C'est long, c'est long. Non, mais je dis ça parce que c'est une rhétorique chez moi. C'est un gimmick que j'ai souvent dans mes textes. Avec Dolige, j'ai beaucoup de... J'avais un titre, voilà. Il y a souvent les mains qui reviennent. Ouais. Il y avait « I love your hands » dans c'était un titre anglais, mais la chanson était en français. Quand tes mains se posent sur ma bouche, pour que jamais rien ne nous touche. Voilà, des choses comme ça. La main est importante. La main, pour moi, est assez... est un terme, enfin, un mot qui revient souvent dans mes textes. C'est aussi très, très humaniste. Voilà. Si tu étais un moment de la journée... Oh bah, sans hésiter, l'heure de l'apéro. Comme actuellement. C'est là, c'est l'apéritif. Maintenant. Nous sommes en plein dedans. Voilà. Eh bien, voilà. Si tu étais un autre individu? Je serais moi-même en mieux, peut-être. En mieux? Tu fais pas trop En moins... tout ce que je voudrais être, c'est tout ce que j'aime en moi, mais tu m'enlèves le stress, les angoisses. Ah, t'as pas l'air d'une femme stressée. Je suis toujours angoissée. Ah, mais ça paraît vraiment pas. Il y a un volcan à l'intérieur, parce que de l'extérieur... Ben c'est toujours... voilà. Puis, moins nerveuse, quoi, en fait, voilà. Toujours inquiète. Ah oui, mais là, c'est le problème c'est aussi de ce que l'on... C'est les défauts des qualités, quoi. Je suis toujours à m'inquiéter pour les autres, tout ça. Je vais être moins inquiète et puis moins lucide aussi, moins des lucide. Fois. Voilà, ça m'aiderait. Mais sinon... être quelqu'un d'autre, non. Je suis pas partie. Ça m'intéresserait pas trop. À choisir. Je me pose souvent cette question, des fois, quand je croise des gens comme ça. Toujours à imaginer la vie des gens. Ah, tu imagines beaucoup la vie des gens, toi? J'adore ça, c'est un jeu super sympathique. C'est mieux que les romans télévisés. Ah bah oui. Tu crées ton propre roman. Mais, voilà. Ouais. Mais souvent, quand je vois une belle femme ou un bel homme, je me dis, oh, j'aimerais bien une journée, quoi. Vivre... avec lui, avec elle. Dans son corps, dans sa son tête. Corps. Dans son corps, ok. Voilà, mais en fait, après... Deux secondes après, je me dis, mais c'est complètement ce con parce non, que non. Je suis très bien moi. Il ne faut jamais envier parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Voilà. Ça a bien l'air, mais quelquefois, c'est ça. Épouvantable. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Tout pareil. Parce que ça t'a construit, ça t'a... Je referais sûrement les mêmes conneries, mais... Ça aussi, je l'ai mis dans une chanson. Mais oui, je referais tout pareil, parce que sinon, je risque de ne pas retrouver les personnes qui sont sur ma route actuellement. Et que tu as croisé. J'ai croisé, que je croiserai. Ce serait dommage. Ouais. J'en croiserai peut-être d'autres, mais... Mmh. Je ne veux pas me passer de ces gens-là et de tous ces moments de vie que j'ai eus. Le beau cercle qui t'a créé, qui t'a voilà. conçu et qui t'a rendu ce que tu es actuellement. C'est ça. Alors, ton album qui voit ce point bientôt, c'est ton bébé à venir, donc tu es oui. enceinte. C'est ça. Tu es enceinte loin d'être prête à coucher. Mmh. Ouais, pour l'instant, c'est encore... Un petit embryon. Embryonnaire, oui. Mais il est quand même à l'intérieur. Donc, Non, j'exagère. J'ai plus de 12 chansons, mais comme je les retravaille... Ah, t'es rendu à tes 12 chansons. Alors, c'est terminé, là, pour le moment. Mais en fait, comme je retravaille depuis peu avec les garçons, là, j'ai envie d'ouvrir aux garçons. Donc, ça va prendre encore quelques 2-3 mois. Quoi. Est-ce qu'ils te surprennent, les garçons, avec oui. leur Mais ils ne me surprennent pas parce que j'ai confiance et que je savais qu'ils allaient faire des merveilles. Je suis surprise parce que je ne m'attendais pas à cette qualité-là de... Okay. Ils sont rendus... D'émerveillement. Oh, mais ils sont rendus à un degré qui te plaît énormément. Ils sont très, très perchés. Alors déjà que moi, je le suis pas mal. Non, mais tu as bossé beaucoup. C'était la femme qui travaille constamment avec ta guitare. C'est ça, mais il me conforte, il me donne confiance dans ma folie, en fait, que j'ai jamais osé mettre en musique. Ça a toujours été un... Il fallait toujours soit dans un cadre, la chanson cadrée. Alors que ça fait quelques albums que j'essaie de me détacher de ça, puis alors là, je me libère complètement. Est-ce que tu as des instruments de prédilection que tu adores utiliser? Oh, c'est... Tous les instruments me plaisent, hein. Tout ce qui fait de la musique, ça me plaît, quoi. Après, je sais tout ce qui est sonique, quand même. Et paradoxalement, la harpe. Voilà. Tu joues de la harpe? Non, je joue pas de la harpe. Ok, ok. Mais j'aime cet instrument okay. pour le son. Mais j'aime aussi les violons parce que je suis très fleur bleue. Mais j'aime surtout les guitares soniques. Et puis, je joue de la batterie. J'adore jouer de la batterie. C'est un sport extraordinaire. Trouves-tu qu'une fille qui joue de la guitare, c'est sensuel? Oh, pff, je non, sais pas. Non, c'est des préjugés, des stéréotypes. Alors, une fille avec une acoustique, des fois, j'en ai une, moi, sur scène. Ça m'agace, ça fait folk, mais je préfère... Tu vois, l'autre jour, je regardais un vieux live de Pete Gervais au début, là, l'attitude qu'elle a avec sa guitare. Voilà, ça, c'est juste merveilleux à regarder. Voilà. Tu mets Pete Gervais avec une guitare, tu te dis, voilà, moi, je vais être une guitare. C'est à elle, quoi. Ah oui, je veux une guitare, oui. Mais tu sais que j'ai commencé la guitare après avoir vu mon premier concert de Pete Gervais. Hein, en c'était 80. Son premier album? C'était sur le deuxième, mais c'était sa première tournée en France. Ah oui. Quelle femme, hein? Elle a tellement bien vieilli. Ses albums ont tellement bien vieilli. Et écoute, on doit se laisser parce que mais ça oui, fait déjà 60 ans. Mais non, c'est pas grave. Et je vais prendre des photos. Oui. Et si ça te dérange pas. Non, mais on y va maintenant parce okay, que oui. j'ai rendez-vous avec Patrick là. Est-ce que. Je vais demander la. Non, c'est moi qui paye. Ça me fait plaisir. Je vais aller voir les messieurs tantôt. T'es sûr? Ah oui, ça me fait plaisir. Bon. Ok, merci. Tu penses une petite photo tous les deux? Oui, toujours. Bah, peut-être deux, trois. Je choisirai la meilleure. Que de moi ou avec toi? Non, nous. Nous deux? Nous, oui. Tu fais un selfie avec ton appareil? Exactement. Comme toutes les autres photos. Avec des chips, non? Et tu sais qu'il y a Manu Lambin qui habite juste à côté. Faut que tu prennes rendez-vous avec lui. Oui, mais l'année prochaine, parce que là, je suis maintenant très... T'es complet? Ah, complet, oui. Manu Lambin, Noël Mattei, après. Ok, parfait. Je vais juste regarder de quoi ça... Ah, parfait, ok, excellent. Pourquoi tu vas là? Ok, Manu. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Non, je sais pas, non, rien. Parce que tu avais vu la bouche ouverte. Ah, c'est ça, je me demandais pourquoi on fait la bouche ouverte. Ok, encore deux, ok? Pour un bonus. Merci. Merci à toi. Alors, je te laisse à ton concert. C'est où? C'est à Bercy? En Bercy, oui. Là, ton copain, il est en voiture ou... On va en métro. Métro? Oh, OK. Je vais le rejoindre ça en verre. Ça risque d'être assez serré. C'est pour ça. OK. Bon spectacle. Je te remercie beaucoup pour ce bon moment. Hein. Puis merci d'avoir accepté. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Puis fais-toi-en pas, hein, même si je le savais pas, mon hôtel est à 2 minutes. Donc, tu m'as... Là, t'es jusqu'à quand en France, là? Dimanche. Sabitsu itaku maisu hitsui 字はまだかい おいしくない Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.